In der Ha. Leiden nach hier. Hauzt nir hier lei, dann nir heiwa. Leiden da hier, letzt in der Ha, dann nir heiwa. Tristela, fascistela, bourgeois ou pas, à vouloir effacer la mémoire de nous. Briser encore et payer jusqu'au fin fond des lits, jusqu'au fin fond des nuits, qu'il n'y ait pas de dignité de nous. Être une femme digne ici-bas, de refaire des guerres encore, des génocides encore, des meurtres encore, des suicides encore, triste là. Pour leur argent, quoi, leur récite là, et leur sexe là, Seigneur, je ne savais pas que ça existait. Des hommes et des femmes sans cœur, Seigneur, je ne savais pas que ça existait. Des hommes et des femmes sans cœur, divisés, divisés encore, dominés, dominés encore, et les cœurs et les corps encore. Et la mémoire qui me revient. Et la mémoire qui me revient. And there he would stand in line back here. Culture là. D'effacer là. La dignité de nous. Then they would let stand there, ha. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Then he would. Then they would let stand there, ha. De nous. Dann dir hier letzt, dann dir hier letzt, dann dir letzt, dann dir hier letzt, dann dir hier. Dann dir wird lei. Ange de lumière, sorcière de lumière, venez donc ici, va, à travers le monde, à travers les villes, qu'il en soit, qu'il en soit. Pour nous ici, va, du bonheur de vivre, de la joie de vivre. But let's stand there, ha. Merci beaucoup. Bravo. Et alors, c'est en quelle langue parfois? Bah, c'est en langage imaginaire et puis en français, comme vous avez entendu. Oui. Ouais, voilà. Ah ouais. Et les paroles, c'est toi qui... Bah, c'est ma musique, c'est mes chansons. C'est ta musique et tes chansons. Ouais, c'est super, vraiment. Ouais, c'est bon. Très beau. Ouais. J'aimerais bien que tu te présentes, ce que tu fais, ce que tu es et tout. Bah, alors moi, je chante donc avec mon violon. Je fais de la danse et du théâtre aussi, des fois des films, c'est plutôt expérimental. Et comme je suis d'un milieu assez politisé, je suis née à Paris, puis j'ai grandi au Pays Basque, et puis après en banlieue parisienne. Et alors, comme outil que j'ai comme l'art, et notamment la musique, c'est assez engagé depuis petite. J'étais dans des milieux très engagés. Et donc, comme enfant, je m'étais posé la question de savoir comment c'était pour faire pour la révolution, que ce soit parce que je n'aimais pas la violence. Mais j'étais avec des gens qui avaient combattu, que ce soit du côté espagnol ou du côté français, que ce soit pendant la Seconde Guerre mondiale ou après pour la reconnaissance du Pays Basque. Et donc, la question pour moi, c'était de savoir comment faire la révolution. Je m'étais dit par la poésie. Donc voilà, donc essayer de trouver les moyens, comment faire pour vraiment faire changer les choses, qui est de la dignité pour les uns et les autres et de la justice, voilà. Donc voilà. Ah bah super. je fais ce que je peux. Alors c'est des expériences, c'est une expérience de vie, mais voilà, c'est j'ai beaucoup de choses à apprendre. Je connais pas, j'aime écouter les radios anarchistes ou des fois lire des choses comme ça. Ouais, moi, je fais ce que je peux avec mon expérience et avec ce que je suis comme artiste. Voilà. Bon, voilà. OK. Non, mais c'était bien. C'était une... En fait, moi, je n'étais pas là quand tu es passé hier au Parvis de Saint-Gilles. Moi, mais tout le monde m'a dit c'est super et tout. Non, et c'était très intéressant. C'était vraiment intéressant qu'une jeune femme comme toi fasse des anopes. Onomatopée. Onomatopée. C'est même pas des onomatopées, parce que c'est quand même de la parole. Il y a de la parole. Ouais. Mais ce qui était intéressant, c'est ce côté musique et parole qui est intéressante. Oui, avec les intonations différentes, comme ça. Non, c'est presque comme du théâtre, en plus. Ouais. Non, c'est très beau. Merci. Voilà. Donc, on va peut-être commencer la lecture du livre, et puis on s'arrêtera un peu au milieu, et elle refera un petit morceau de musique. Ça te convient ? Oui, très bien, oui. Ok, ça va. Donc, je vais commencer la lecture du livre. Alors, je suis l'un de ceux qui ont été délivrés de San Miguel de los Reyes, sinistre bagne, qu'éleva la monarchie pour enterrer vivants les hommes qui, parce qu'ils n'étaient pas des lâches, ne se sont jamais soumis aux lois infâmes que dictèrent les puissants contre les opprimés. Ils m'ont emmené là-bas, comme tant d'autres, pour avoir lavé une offense, pour m'être rebellé contre les humiliations dont un village entier était victime. Autrement dit, pour avoir tué un cacique. J'étais jeune et je suis jeune maintenant, puisque j'entrais au bagne à 23 ans et que j'en suis sortie parce que les camarades anarchistes en ouvrirent les portes quand j'en avais 34. 11 années soumis au supplice de ne pas être homme, d'être une chose, d'être un numéro. Avec moi sortirent beaucoup d'hommes qui en avaient autant enduré, qui étaient aussi marqués par les mauvais traitements subis depuis leur naissance. Certains, dès qu'ils ont foulé le pavé de la rue, s'en sont allés par le monde. Et les autres, nous réunîmes à nos libérateurs, qui nous traitèrent en amis et nous aimèrent en frères. Avec eux, peu à peu, nous avons formé la colonne de fer. Avec eux, à grands pas, nous avons donné l'assaut aux casernes et fait rendre les armes à de redoutables gardes civils. Avec eux, par d'âpres attaques, nous avons refoulé les fascistes jusque sur les crêtes de la montagne, là où ils sont encore à présent. Accoutumés de prendre ce dont nous avons besoin de pourchasser le fascisme, nous avons conquis sur lui les approvisionnements et les fusils. Nous nous sommes nourris pour un temps de ce que nous offraient les paysans et nous nous sommes armés sans que personne ne nous fît le cadeau d'une arme avec ce que nous avions ôté par la force de nos bras aux militaires insurgés. Le fusil que je tiens et caresse, celui qui m'accompagne depuis que j'ai quitté ce fatidique bagne, il est à moi, c'est mon bien propre. Si j'ai pris comme un homme celui que j'ai entre les mains, de la même façon son nôtre, proprement nôtre, presque tous ceux que mes camarades ont dans leurs mains. Je défie qu'on m'en apporte la preuve, n'a jamais été plus affectueux et plus... Pardon, excusez-moi, j'ai raté une page, je crois. Bah alors... Oui, c'est ça. Excusez-moi. Alors de leurs mains. Personne ou presque personne n'a jamais eu d'égard pour nous. La stupéfaction des bourgeois en nous voyant quitter le bagne, n'a pas cessé et s'est même étendue à tout le monde jusqu'en ce moment. De sorte qu'au lieu de nous prendre en considération et de nous aider, de nous soutenir, on nous a traités de bandits, on nous a accusés d'être des incontrôlés. Parce que nous ne soumettons pas le rythme de notre vie, que nous avons voulu et voulons libres aux stupides caprices de quelques-uns qui se sont considérés bêtement et orgueilleusement comme les propriétaires des hommes dès qu'ils se sont vus dans un ministère ou un comité. Et parce que dans les villages où nous en sommes passés, après en avoir arraché la possession aux fascistes, nous avons changé le système de vie, annihilant les féroces caciques qui tourmentaient toute l'existence des paysans, après les avoir volés et remettant la richesse aux mains des seuls qui surent la créer aux mains des travailleurs. Personne, je puis en donner l'assurance, personne n'aurait pu se comporter avec les dépossédés, avec les nécessiteux, avec ceux qui, toute leur vie, furent pillés et persécutés mieux que nous, les incontrôlés, les bandits, les échappés du bagne. Personne, personne, je défie qu'on en apporte la preuve, n'a jamais été plus affectueux et plus serviable envers les enfants, les femmes, les vieillards. Personne abandonne, absolument personne ne peut blâmer cette colonne qui seule, sans aide, et il faut même dire entravée, a été depuis le commencement à l'avant-garde. Personne ne peut l'accuser d'un manque de solidarité ou de despotisme, de mollesse ou de lâcheté quand il s'agissait de combattre ou d'indifférence envers le paysan ou de manque d'esprit révolutionnaire. Puisque hardiesse et vaillance au combat ont été notre norme, la noblesse à l'égard du vaincu, notre loi, la cordialité avec nos frères, notre devise, et que la bonté et le respect ont été le critère du déroulement de toute notre vie. Pourquoi cette légende noire que l'on a tissée autour de nous? Pourquoi cet acharnement insensé à nous discréditer alors que notre discrédit, qui n'est pas possible, ne ferait que porter préjudice à la cause révolutionnaire et à la guerre même? Il y a nous, les hommes du bagne, qui avons souffert plus que personne sur la terre, nous le savons bien. Il y a, dis-je, dans l'atmosphère un extrême embourgeoisement, le bourgeois d'âme et de corps, qui est tout ce qu'il y a de médiocre et de servile, tremble à l'idée de perdre sa tranquillité, son cigare et son café, ses taureaux, son théâtre, ses relations prostituées. Et quand il entendait dire quelque chose de la colonne, de cette colonne de fer, le soutien de la révolution dans ces terres du Levant, ou quand il apprenait que la colonne annonçait sa descente sur Valence, il tremblait comme une feuille en pensant que ceux de la colonne allaient l'arracher à sa vie de plaisirs misérables. Et le bourgeois, il y a des bourgeois de différentes classes et dans beaucoup de positions, tissait sans répit avec les fils de la calomnie la noire légende dont il nous a gratifiés. Parce que c'est aux bourgeois, et seulement aux bourgeois, qu'on peut et peuvent encore nuire nos activités, nos révoltes et ces désirs irrépressibles qui emportent follement nos cœurs, désirs d'être libres comme les aigles sur les plus hautes cimes ou comme les lions au fond des forêts. Même des frères, ceux qui ont souffert avec nous dans les champs et les ateliers, ceux qui ont été indignement exploités par la bourgeoisie, se firent l'écho de terribles craintes de celle-ci et en arrivèrent à croire, parce que certains, trouvant leur intérêt à être des chefs, le leur disent que nous, les hommes qui luttions dans la colonne de fer, nous étions des bandits et des gens sans âme. De sorte qu'une haine qui en est maintes fois arrivée à la cruauté et au fanatisme meurtrier sema de pierre notre chemin pour entraver notre avance contre le fascisme. Certaines nuits, de ces nuits obscures dans lesquelles, l'arme au bras et l'oreille aux aguets, je m'efforçais de pénétrer les profondeurs du pays alentour et aussi les mystères des choses, je ne trouvais pas d'autre remède, comme dans un cauchemar, que de me dresser hors de l'abri, et ceci non pour désencoliser mes membres, qui sont d'acier parce qu'ils sont passés par le creuset de la douleur, mais pour empoigner plus rageusement mon arme, ressentant des envies de tirer, non seulement contre l'ennemi qui était caché à moins de 100 mètres de moi, mais encore contre l'autre ennemi, contre celui que je ne voyais pas, contre celui qui se cachait à mes côtés, et il y est encore à présent, qui m'appelle camarade, tandis qu'il me manque bassement, puisqu'il n'y a pas de manquement plus large que celui qui se repaît de trahison. Et j'éprouvais des envies de pleurer et de rire, de courir à travers les champs en criant et de serrer des gorges avec mes doigts de fer, comme lorsque j'ai brisé entre mes mains celle de l'immonde cacique et de faire sauter pour qu'il n'en reste que décombres ce monde misérable où il est si difficile de trouver des mains aimantes qui essuient ta sueur et étanchent le sang de tes blessures quand, fatigué et blessé, tu reviens de la bataille. Combien de nuits, les hommes étant ensemble et ne formant qu'une seule grappe ou poignée, quand j'exprimais à mes camarades, les anarchistes, mes peines et mes douleurs, j'ai trouvé là-bas, dans l'âpreté de la montagne, face à l'ennemi qui nous guettait, une voix amie et des bras affectueux qui m'ont fait à nouveau aimer la vie. Et alors, toute la souffrance, tout le passé, toutes les horreurs et tous les tourments qui ont marqué mon corps, je les jetais au vent comme s'ils eussent appartenu à d'autres époques. Et je m'abandonnais avec joie à des rêves d'aventure, apercevant dans la fièvre de l'imagination un monde différent de celui que j'avais vécu, mais que je désirais. Un monde différent de celui où ont vécu les hommes, mais que nous sommes nombreux à avoir rêvé. Et le temps passait pour moi comme s'il volait, et les fatigues ne m'atteignaient pas, et mon enthousiasme redoublait, et me rendait téméraire, et me faisait sortir dès le point du jour, en reconnaissance pour découvrir l'ennemi, et tout pour changer la vie. Pour imprimer un autre rythme à cette vie qui est la nôtre, pour que les hommes et moi parmi eux nous puissions être frères, pour qu'une fois au moins la joie jaillissant de nos poitrines se sème sur la terre, pour que la révolution, cette révolution qui a été le pôle et la devise de la colonne de fer, puisse être dans un temps prochain un fait accompli. Mais mes rêves se dissipaient comme ces blancs nuages ténus qui au-dessus de nous passaient sur la montagne, et je retournais à mes désenchantements pour revenir une autre fois de nuit à mes joies. Et ainsi, entre peine et joie, entre l'angoisse et les pleurs, j'ai passé ma vie heureuse au sein des périls, à la comparer à cette vie obscure et misérable de l'obscur et misérable bagne. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là et que tu nous rejoins un petit morceau de musique. Oui, si vous voulez. Voilà. Alors il l'a insulté. Parce qu'elle lui a dit non, alors il l'a humilié. Parce qu'elle lui a dit non, alors il l'a tué. Être une femme dénissive. Être une femme dénissive. tuam sanctuarem. Parce qu'elle lui a dit non, alors il a humilié. Parce qu'elle lui a dit non, alors il a insulté. Parce qu'elle lui a dit non, alors il l'a tué. Donc, je vais continuer ma lecture. Alors, mais un jour, c'est un jour gris et triste, sur les sommets de la montagne, comme un vent de neige qui mord la chair, arriva une nouvelle. Il faut se militariser. Et dès cette nouvelle, ce fut comme un poignard qui me déchira, et je souffris par avance les angoisses que nous ressentons maintenant. Durant des nuits, dans l'abri, je me répétais la nouvelle, il faut se militariser. À côté de moi, veillant, tandis que je me reposais, bien que je ne puisse dormir, il y avait le délégué de mon groupe qui serait alors lieutenant et à quelques pas de là, dormant à même le sol, en appuyant sa tête sur une pile de bombes, était couché le délégué de ma ceinturie qui serait capitaine ou colonel. Moi, je continuerai à être moi, l'enfant de la campagne, rebelle jusqu'à la mort. Je n'ai pas voulu et je ne veux pas des croix, des galons et des commandements. Je suis comme je suis, un paysan qui a appris à lire en prison, qui a vu de près la douleur et la mort, qui était anarchiste sans le savoir et qui, maintenant le sachant, est plus anarchiste qu'hier, quand il a tué pour être libre. Ce jour-là, où tomba des crêtes de la montagne comme un vent glacé qui me déchira l'âme, la funeste nouvelle, sera inoubliable, comme tant d'autres dans ma vie de douleur. Ce jour-là, il faut se militariser. La vie enseigne aux hommes, plus que toutes les théories, plus que tous les livres. Ceux qui veulent apporter dans la pratique ce qu'ils ont appris des autres en s'abreuvant à ce qui est écrit dans les livres se tromperont. Ceux qui apportent dans les livres ce qu'ils ont appris dans les détours du chemin de la vie pourront peut-être faire une œuvre maîtresse. La réalité et la rêverie sont choses distinctes. Rêver, c'est bon et beau, parce que le rêve est presque toujours l'anticipation de ce qui doit être, mais le sublime est de rendre la vie belle, de faire de la vie concrètement une œuvre belle. Moi, j'ai vécu ma vie à grande allure. Je n'ai pas goûté la jeunesse, qui, d'après ce qu'on en dit, en lit, est allégresse, douceur, bien-être. Au bagne, je n'ai connu que la douleur. Jeune par le nombre des années, je suis un vieux par tout ce que j'ai vécu, par tout ce que j'ai pleuré, par tout ce que j'ai souffert. Car au bagne, on ne rit presque jamais. Au bagne, qu'on soit sous un toit ou sous le ciel, on pleure toujours. Lire un livre dans une cellule, séparée du contact des hommes, c'est rêver. Lire le livre de la vie, quand te le présente ouvert à une page quelconque le geôlier qui t'insulte ou seulement t'espionne, c'est se trouver en contact avec la réalité. J'ai lu certains jours, je ne sais où ni de qui, que l'auteur ne pouvait se faire une idée exacte de la rotondité de la Terre tant qu'il ne l'avait pas parcourue, mesurée, palpée, découverte. Une telle prétention me parut ridicule. Mais cette petite phrase est restée si imprimée en moi que quelquefois, lors de mes soliloques, forcés dans la solitude de ma cellule, j'ai pensé à elle, jusqu'à ce qu'un jour, comme si moi aussi je découvrais quelque chose de merveilleux qui auparavant eût été caché au reste des hommes, je ressentis la satisfaction d'être par moi-même le découvreur de la rotondité de la Terre. Et ce jour-là, comme l'auteur de la phrase, je parcourus, mesurai et palpai la planète, la lumière se faisant dans mon imagination à la vision de la Terre, tournant dans les espaces infinis, faisant partie de l'harmonie universelle des mondes. La même chose advint à propos de la douleur. Il faut la peser, la mesurer, la palper, la goûter, la comprendre, la découvrir pour avoir dans l'esprit une idée claire de ce qu'elle est. À côté de moi, tirant un chariot sur lequel d'autres, chantant et se réjouissant, s'étaient juchés, j'ai vu des hommes qui, comme moi, faisaient office de mules et ils ne souffraient pas. Et ils ne faisaient pas gronder d'en bas leurs protestations. Ils trouvaient juste et logique que ceux-là, en tant que maîtres, fussent ceux qui les tenaient par des rênes et empoignaient le fouet, et même logique et juste que le patron d'un coup de laisse leur balafre la face. Comme des animaux, ils poussaient un hennissement, frappaient le sol de leurs sabots et partaient au galop. Après, ô sarcasme, qu'on les ait dételés, ils léchaient comme des chiens esclaves la main qui les fouettait. Il n'y a personne qui, ayant été humilié, vexé, outragé, qui s'étant senti l'être le plus malheureux de la terre en même temps que l'être le plus noble, le meilleur et le plus humain, qui dans le même temps et tous ensemble éprouvant son malheur et se sentant heureux et fort et subissant sur son dos et sur son visage sans avertissement, sans motif, pour le plus pur paisible de plaisir de nuire et d'humilier, le poing glacé de la tête carcellaire, personne qui s'étant vu traîner au mitard pour rébellion et là-dedans giflé et foulé aux pieds, entendant craquer ses os et voyant couler son sang jusqu'à tomber sur le sol comme une masse, personne qui, après avoir souffert la torture infligée par d'autres hommes, obligé de sentir son impuissance et de maudire et de blasphémer à cause de cela, ce qui était aussi commencé à rassembler ses forces pour une autre fois. Personne qui, à recevoir le châtiment et l'outrage, a pris conscience de l'injustice du châtiment et de l'infamie de l'outrage, et l'ayant, s'est proposé d'en finir avec le privilège qui octroie à quelques-uns la faculté de châtier et d'outrager. Personne enfin qui, captif dans la prison ou captif dans le monde, a compris la tragédie des vies des hommes condamnés à obéir en silence et aveuglément aux ordres qu'ils reçoivent, qui ne puisse connaître la profondeur de la douleur, la marque terrible que la douleur laisse pour toujours sur ceux qui ont bu, palpé, respiré la douleur de se taire et d'obéir. Désirer parler et garder le silence, désirer chanter et rester muet, désirer rire et devoir par force étrangler le rire dans sa bouche, désirer aimer et être condamné à nager dans la boue de la haine. Je suis passé par la caserne et là j'ai appris à haïr. Je suis passé par le bagne et là, parmi les larmes et les souffrances, étrangement, j'ai appris à aimer et à aimer intensément. À la caserne, j'en suis presque arrivé au point de perdre ma personnalité, tant était rigoureux le traitement que je subissais. parce qu'on voulait m'inculquer une discipline stupide. En prison, à travers de nombreuses luttes, je retrouvais une même personnalité, étant chaque fois plus rebelle à tout ce qu'on m'imposait. Autrefois, j'avais appris à haïr, du plus bas au plus haut degré, toutes les hiérarchies. Mais en prison, dans la plus affligeante douleur, j'ai appris à aimer les infortunés, mes frères, tandis que je conservais pure et limpide cette haine des hiérarchies dont m'avait nourri la caserne. Prison et caserne sont une même chose. Despotisme et libre exercice de la nature mauvaise de quelques-uns pour la souffrance de tous. Ni la caserne n'enseigne la moindre chose qui ne soit dommageable à la santé physique et mentale, ni la prison ne corrige. Avec ce jugement, avec cette expérience acquise parce que ma vie a baigné dans la douleur, quand j'entendis qu'au pied des montagnes venait rôder l'ordre de militarisation, je sentis en un instant que mon être s'écroulait, car je vis clairement que mourrait en moi l'audacieux guérillot de la Révolution pour continuer en menant cette existence qui, à la caserne et en prison, se dépouille de tout attribut personnel. Pour tomber encore une fois dans le gouffre de l'obéissance, dans le somnambulisme bestial auquel conduit la discipline de la caserne ou de la prison, qui toutes les deux se valent. Et empoignant avec rage mon fusil, depuis mon abri, regardant l'ennemi et l'ami, regardant en avant et en arrière des lignes, je lançais une malédiction semblable à celle que je lançais quand, rebelle, on me conduisait au cachot, et je refoulais une larme semblable à celle qui m'échappèrent, alors quand personne ne pouvait les voir à mesurer mon impuissance. Et je voyais bien que les hypocrites qui souhaitaient faire du monde une caserne et une prison sont les mêmes qui, hier, dans les cachots, firent craquer nos os à nous, des hommes et des hommes. Caserne, bagne, vie indigne et misérable. On ne nous a pas compris parce qu'on ne pouvait pas nous comprendre, on ne nous a pas aimés. Nous avons combattu, maintenant les fausses modesties ne sont pas de mise qui ne conduisent à rien. Nous avons combattu, je le répète, comme peu l'ont fait. Notre place a toujours été sur la première ligne de feu pour la bonne raison que dans notre secteur, depuis le premier jour, nous avons été les seuls. Pour nous, il n'y a jamais de relève, ni, ce qui a été pire encore, un mot gentil. Les uns comme les autres, les fascistes et les antifascistes, et jusqu'aux nôtres, quelle honte en avons-nous ressenti, tous nous ont traités avec antipathie. On ne nous a pas compris. Ou, ce qui est le plus tragique à l'intérieur de cette tragédie que nous vivons, peut-être ne nous sommes-nous pas fait comprendre, puisque pour avoir porté sur nos épaules le poids de tous les mépris et de toutes les duretés de ceux qui furent dans la vie du côté de la hiérarchie, nous avons voulu vivre, même dans la guerre, une vie libertaire, tandis que les autres, pour leur malheur et pour les autres, ont suivi le char de l'État en s'y attelant. Cette incompréhension nous a causé des peines immenses, abordé notre chemin de malheur, et non seulement les fascistes que nous traitons comme ils le méritent ont pu voir en nous un péril, mais aussi bien ceux qui se nomment antifascistes et crient leur antifascisme jusqu'à s'en rouer. Cette haine qui fut construite autour de nous donna lieu à des affrontements douloureux, le pire de tous en ignominie, qui fit monter le dégoût à la bouche et porter la main au fusil, eut lieu en pleine ville de Valence, lorsque ouvrirent le feu sur nous d'authentiques rouges antifascistes. Alors, il nous faut combattre sur ce que maintenant la contre-révolution est en train de faire. L'histoire qui recueille tout le bien et tout le mal que les hommes accomplissent parlera un jour. Et alors l'histoire dira que la colonne de fer fut peut-être la seule en Espagne qui eut une vision claire de ce que devait être notre révolution. L'histoire dira aussi que ce fut cette colonne qui opposa la plus grande résistance à la militarisation et dira en outre que parce qu'elle y résistait, elle eut des moments où elle fut totalement abandonnée à son sort, en plein front de bataille, comme si une unité de 6000 hommes aguerris et résolus à vaincre ou mourir devait être abandonnée à l'ennemi pour qu'il l'anéantisse. Combien de choses dira l'histoire et combien de figures qui se croient glorieuses seront exécrées et maudites. Notre résistance à la militarisation se trouvait fondée sur ce que nous connaissions des militaires. Notre résistance actuelle se fonde sur ce que nous connaissons actuellement des militaires. Le militaire professionnel a constitué maintenant, comme toujours, ici comme en Russie, une caste. C'est elle qui commande. Aux autres, il ne doit rester rien de plus que l'obligation d'obéir, Le militaire professionnel est de toutes ses forces, et d'autant plus qu'il s'il s'agit d'un compatriote, celui qu'il croit son inférieur. J'ai moi-même vu, je regarde toujours les yeux des hommes, un officier trembler de rage ou de dégoût quand, m'adressant à lui, je l'ai tutoyé. Et je connais des exemples d'aujourd'hui même, de bataillons qui s'appellent prolétariens, dans lesquels le corps des officiers, qui a déjà oublié ses humbles origines, ne peut permettre contre ceci, il y a de sévères punitions, qu'un milicien le tutoie. L'armée prolétarienne ne demande pas une discipline qui pourrait être, somme toute, l'exécution des ordres de guerre. Elle demande la soumission, l'obéissance aveugle, l'anéantissement de la personnalité de l'homme. La même chose que lorsque hier j'étais à la caserne. La même chose lorsque plus tard j'étais au bagne. Nous, dans les tranchées, nous vivions heureux. Certes, nous voyons tomber à côté de nous les camarades qui commencèrent avec nous cette guerre. Nous voyons de plus qu'à tout instant, une balle peut nous laisser étendus en plein champ. C'est la récompense qu'attend le révolutionnaire. Mais nous vivions heureux. Nous mangions quand il y avait de quoi, et quand les vivres manquaient, nous jeûnions. Et tous contents. Pourquoi ? Parce que personne n'était supérieur à personne. Tous amis, tous camarades, tous guérilleros de la Révolution. Le délégué du groupe ou de Centurie ne nous était pas imposé, mais il était élu par nous-mêmes et il ne s'en sentait pas lieutenant ou capitaine, mais camarade. Les délégués des comités de la colonne ne furent jamais colonels ou généraux, mais camarades. Nous mangions ensemble, combattions ensemble, rions, maudissions ensemble. Nous n'avons eu aucune solde pendant longtemps et eux non plus n'eurent rien. Et puis, nous avons touché 10 pesetas et ils ont touché et ils touchent 10 pesetas. La seule chose que nous considérons, c'est leur capacité éprouvée et c'est pour cela que nous les choisissions. Pour autant que leur valeur était confirmée, ils furent nos délégués. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'ordre sévère. Il y a de la sympathie, l'affection et la camaraderie. Vie heureuse au milieu des désastres de la guerre. Et ainsi, entre camarades, se disant que le combat à cause de quelque chose et pour quelque chose, la guerre plaît et l'on va jusqu'à accepter avec plaisir la mort. Mais quand tu te retrouves chez les militaires, là où tout n'est qu'ordre et hiérarchie, quand tu vois dans ta main la triste solde avec laquelle tu peux à peine soutenir la famille que tu as laissée derrière toi, quand tu vois que le lieutenant, le capitaine, le commandant, le colonel empochent 3, 4, 10 fois plus que toi, bien qu'il n'ait ni plus d'enthousiasme, ni plus de connaissances, ni plus de bravoure que toi, la vie te devient amère parce que tu vois bien que cela, ce n'est pas la révolution, mais la façon dont un petit nombre tire profit d'une situation malheureuse, ce qui ne tourne qu'au détriment du peuple. Je ne sais pas comment nous vivrons désormais. Je ne sais pas si nous pourrons nous habituer à entendre les paroles blessantes d'un caporal, d'un sergent ou d'un lieutenant. Je ne sais pas si après nous être sentis pleinement des hommes, nous pourrons accepter d'être des animaux domestiques, car c'est à cela que conduit la discipline et c'est cela que représente la militarisation. Il est sûr que nous ne le pourrons pas. Il nous sera totalement impossible d'accepter le despotisme et les mauvais traitements parce qu'il faudrait n'être guère un homme pour, ayant une arme dans la main, endurer paisiblement l'insulte. Pourtant, nous avons des exemples inquiétants à propos de camarades qui, en étant militarisés, en sont arrivés à subir, comme une dalle de plomb, le poids des ordres qui émanent des gens les plus souvent ineptes et toujours hostiles. Nous croyons que nous étions en marche pour nous affranchir, pour nous sauver, et nous allons tombant dans cela même que nous combattons. Dans le despotisme, dans le pouvoir des castes, dans l'autoritarisme le plus brutal et le plus aliénant. Cependant, le moment est grave. Ayant été pris, nous ne savons pas pourquoi, et si nous le savons, nous le taisons en ce moment. Ayant été pris, je le répète, dans un piège, nous devons sortir de ce piège, nous en échapper le mieux que nous pouvons, car enfin des pièges, tout le champ s'est trouvé truffé. Tous les militaristes, il y en a de furieux dans notre camp, nous ont cernés. Hier, nous étions maîtres de tout. Aujourd'hui, c'est eux qui le sont. L'armée populaire qui, de populaire, n'a rien d'autre que le fait d'être recrutée dans le peuple, et c'est ce qui se passe toujours, n'appartient pas au peuple. Elle appartient au gouvernement, et le gouvernement dirige, et le gouvernement ordonne. Au peuple, il est simplement permis d'obéir, et l'on exige qu'il obéisse toujours. Étant pris entre les mailles militaristes, nous n'avons plus de choix qu'entre deux chemins, Le premier nous conduit à nous séparer. Nous qui, jusqu'à ce jour, sommes camarades dans la lutte en proclamant la dissolution de la colonne de fer. Le second nous conduit à la militarisation. La colonne, notre colonne, ne doit pas se dissoudre. L'homogénéité qu'elle a toujours représentée a été admirable. Je parle seulement pour nous, camarades. La camaraderie entre nous restera dans l'histoire de la Révolution espagnole comme un exemple. La bravoure qui a paru dans 100 combats aura pu être égalée dans cette lutte de héros, mais non surpassée. Depuis le premier jour, nous avons été des amis, plus que des amis, des camarades, des frères. Nous séparer, nous en aller, ne plus nous revoir, ne plus ressentir comme jusqu'ici nos désirs de vaincre et de combattre, c'est impossible. La colonne, cette colonne de fer qui depuis Valence jusqu'à Teruel a fait trembler les bourgeois et les fascistes, ne doit pas se dissoudre, mais continuer jusqu'à la fin. Qui peut dire que d'autres, pour s'être militarisés, ont été dans les combats plus forts, plus hardis, plus généreux pour arroser de leur sang les champs de bataille ? Comme des frères qui défendent une noble cause, nous avons combattu. Comme des frères qui ont les mêmes idéaux, nous avons rêvé dans les tranchées. Comme des frères qui aspirent à un monde meilleur, nous sommes allés de l'avant avec notre courage. Dissoudre notre totalité homogène ? Jamais, camarades. Tant que nous restons une centurie au combat, tant qu'il reste un seul de nous à la victoire. Ce sera un moindre mal, quoique le mal soit grand d'avoir à accepter que quiconque, soit sans avoir été élu par nous, nous donne des ordres. Pourtant, être une colonne ou être un bataillon est presque indifférent. Ce qui ne nous est pas indifférent, c'est qu'on ne nous respecte pas. Si nous restons réunis, les mêmes individus que nous sommes en ce moment, que nous formions une colonne ou un bataillon, pour nous, ce devrait être égal. Dans la lutte, nous n'aurons plus besoin de gens qui nous encouragent au repos. Nous n'aurons pas de gens qui nous interdisent de nous reposer parce que nous n'y consentirons pas. Le caporal, le sergent, le lieutenant, le capitaine, ou bien sont les nôtres, auquel cas nous serons tous camarades, ou bien sont nos ennemis, auquel cas il n'y aura qu'à les traiter en ennemis. Colonne ou bataillon, pour nous, si nous le voulons, ce sera la même chose. Nous, hier, aujourd'hui et demain, serons toujours les guerrieros de la Révolution. Ce qui nous adviendra dans la suite dépend de nous-mêmes, de la cohésion qui existe entre nous. Personne ne nous imprimera son rythme, c'est nous qui l'imprimerons, afin de garder une attitude adaptée à ceux qui se trouveront à nos côtés. Tenons compte d'une chose, camarades, le combat exige que nous ne retirions pas de cette guerre nos bras si notre enthousiasme, ni notre enthousiasme, en une colonne, la nôtre, ou en un bataillon, le nôtre, en une division ou en un bataillon qui ne se serait pas le nôtre, il nous faut combattre. Si la colonne est dissoute, si nous nous dispersons, ensuite étant obligatoirement mobilisés, nous n'aurons plus qu'à aller là où on nous l'ordonnera, et non avec ceux que nous avons choisis. Et comme nous ne voulons être des bestioles domestiquées, il est bien possible que nous nous heurtions avec des gens qui nous ne devrions pas heurter, avec ceux qui, que ce soit un mal ou un bien, sont nos alliés. La révolution, notre révolution, cette révolution prolétarienne est anarchiste et à laquelle, depuis le premier jour, nous avons offert des pages de gloire, nous requiert de ne pas abandonner les armes, de ne pas non plus abandonner le noyau compact que jusqu'à présent nous avons constitué, quel que soit le nom dont on l'appelle, colonne, division ou bataillon. Ça a été écrit par un incontrôlé de la colonne de fer. Voilà. On fait un petit commentaire. Vas-y. Ce qui est assez intéressant, parce que dans ce texte de comment s'appelle, les incontrôlables, il y a un texte extraordinaire qui a été fait en fin 36, qui est super intéressant, qui est intéressant au niveau que ils font une révolution sociale intégrale, qui est très intéressant. Et je pense que ces gens-là, ils ont fait, c'était vraiment des communistes anarchistes. J'ai une petite question. Oui. Est-ce que je peux mettre un CD parce que je devrais aller pisser ? Oui, comme tu veux. Tu vas pisser. Ou sinon, tu laisses la jeune femme chanter ?

nous aurons eu le temps d'inventer la vie, la beauté, la jeunesse, les larmes qui brilleront comme des émeraudes dans les yeux des filles, les bêtes enfin détraquées, la priorité à gauche, permettez, nous ne mourrons plus de rien, nous vivrons de tout, et les microbes de la connerie que vous n'aurez pas manqué de nous léguer montant de vos fumures, de vos livres engrangés dans vos silothèques, de vos documents publics, de vos règlements d'administration pénitentiaire, de vos décrets, de vos prières même, tous ces microbes juridico-pantoufles. Soyez tranquilles, nous avons déjà des machines pour les révoquer. Nous aurons tout dans 10 000 ans. Voilà. Donc, c'était Léo Ferré. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est, je pense, un de ses meilleurs morceaux. Enfin, je ne sais pas si c'est un... Non, je ne peux pas dire que c'est un meilleur morceau, mais c'est un très bon morceau de Léo Ferré. C'est très, très bien. Voilà. Donc, nous avons discuté un petit peu avec notre invité de ce soir. Donc, c'est Agathe, toujours. Et pourquoi c'est Agathe Bissap La Menace ? La Menace. Alors, c'est Agathe, ça c'est mon prénom, c'est le cadeau qu'on m'a fait. Et puis alors, quand je suis née, et puis après, Bissap, c'est quand j'ai fait mon premier disque. J'avais trouvé ce nom-là avec la personne que j'avais fait le disque avec une association ici. Donc, je vais me souvenir le nom, qui est ici à Saint-Gilles. Et j'avais enregistré de la musique. Et puis après, on a fait le montage là-bas. Et on avait trouvé ça comme nom, on avait trouvé que c'était bien. Donc c'est le nom d'un arbre du Sénégal. Et moi j'aime beaucoup l'Afrique aussi, j'ai jamais été, mais j'ai un peu grandi avec des Africains et je trouvais que ça sonnait très bien. Pour donner la pêche un peu comme ça. C'est magnifique. C'est des, voilà. Et puis La Menace, c'est un autre cadeau qu'on m'a fait à Paris, dans tous les bars dans lesquels je jouais de nuit, à pas d'heure, à faire la musique que je fais, qui n'est pas forcément de la musique sur lesquelles... les gens vont accrocher, qui est commerciale et abétissante. Je ne sais pas que je me vante de ceci, mais c'est quand même une musique quand même assez engagée, qui dérange quand même. Puis je fais des ultrasons des fois qui sont assez, qui peuvent être assez. Bon voilà. Et il y a quelqu'un qui m'a dit La Menace là, comme ça. Et ouais. Alors j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était super, voilà, comme cadeau, voilà. Donc voilà, c'est Agathe Bissap La Menace. Ok. Donc Agathe Bissap La Menace, nous a raconté un peu sa vie en disant que bon, elle était de Paris et qu'elle se baladait un peu partout en Europe pour jouer dans les bars. Elle fait du théâtre aussi. Elle essaye de créer des pièces de théâtre. Ben, j'en ai créé déjà. Je monte des pièces des fois en danse théâtre, en théâtre de la poésie et puis des pièces en danse théâtre à partir d'œuvres poétiques. Je travaille à partir des œuvres de Rilke ou de Borges. En vidéo, en théâtre, en danse, et puis avec d'autres poètes aussi, et des philosophes. Bon, voilà, puis j'ai aussi grandi au Pays Basque, entre temps, et c'est une expérience forte comme ça par rapport à de l'engagement, justement, et de la conscience politique. Et puis après, en banlieue parisienne aussi, parce qu'il y a quand même où il n'y a plus l'identité, justement, par rapport à toute la question d'identité qui est encore posée d'une autre manière, et de savoir où sont ses repères et ses racines, donc, et comment construire avec tout ça en étant déraciné. Donc voilà, c'est des expériences comme ça qui permettent de grandir par rapport à sa conscience dans la société. Voilà. Et maintenant, je me promène un petit peu en Europe, pas beaucoup, puis je vais des fois à Berlin, et ça fait beaucoup de bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés, justement, par rapport à comment être engagé, comment faire de la... qu'il y ait du respect des droits humains, du respect des droits de la femme, du travail, etc. C'est très actif à ce niveau-là. Donc c'est assez reposant dans des sociétés, parce qu'en Belgique, il y a de l'engagement, mais ce n'est pas aussi fort que là-bas, qu'en Allemagne. Et puis en France, il y a de l'engagement aussi, mais ce n'est pas aussi fort. On a quand même... Il y a des chopes de plomb qui sont quand même assez fortes, quoi. J'habite dans un squat, pour l'instant, qui a 10 ans d'âge, qui est un des plus vieux squats de France, qui est à Vincennes, mais c'est qui est menacée d'expulsion d'une façon récurrente et régulière, mais à chaque fois, je retourne à Paris, puis je vois à quel point les gens sont... vous m'entendez assez ? Oui. À quel point les gens sont fatigués, quoi, épuisés, quoi. Il y a des poids de comme ça, des crabouillages, quoi, par rapport à de l'énergie, de créativité, quoi. Donc, il faut bien faire avec ça pour pouvoir faire circuler de la créativité, quoi. Que les gens puissent être quand même avec leur créativité, quoi. C'est faire en sorte que ça circule, quoi, qu'ils ne soient pas écrabouillés, quoi. Bah, c'est quand même, le monde nous appartient, quelque part, quand même, d'une manière décente, quand même. Voilà. Et tu vas peut-être nous chanter une petite chanson. Alors maintenant, j'ai pensé, maintenant, la petite chanson, justement, vous parliez dans les textes comme ça, dans le texte que tu as lu, dans le livre que tu as lu, comme ça, par rapport à prendre les armes et tout ça. Alors, moi, c'est une chanson toujours avec de rapports comme ça, avec des souvenirs d'enfance, puis des choses beaucoup plus contemporaines, justement par rapport au fait de l'engagement, justement, avec les armes, de combattre avec les armes, d'en être quelque part témoin, et d'une manière ou d'une autre, en étant petite ou en étant grande, selon les situations. Donc voilà, je vais vous chanter la chanson, normal, ça c'est en français pour une bonne partie, donc normalement c'est compréhensible. Et c'est un hommage aussi à mon père qui est décédé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, mais voilà. Qu'il en soit. Pour vous et pour moi. Du bonheur de vivre. De la joie de vivre. Pilule après pilule. L'argent fait sur le dos de la tristesse. Qu'il en soit pas. De la dignité de nous. Il arrive, il arrive, il arrive l'amour là. Pas éternel, il disait l'amour. De vivre. Pilule après pilule, l'argent fait sur le dos de la tristesse. Qu'il en soit pas de la révolution par l'amour, de la révolution sur terre. Endormir encore, et les cœurs et les corps encore, et les esprits encore. Then the world let's stand there. Embrasse l'amour, embrasse les seins. connaissent l'amour est vrai. Il est mort, il est mort. Il avait peur de mourir. Il est mort, il est mort. Il avait peur de mourir. Et les autres là, à peine tués, à dire dans la bonté de leur âme que leur bourreau n'était pas coupable. Il est mort, il est mort. Il avait peur de mourir. Il est mort, il est mort. Honte comme trois pommes. Il est mort, il est mort. Il avait peur de mourir. Il est mort, il est mort. Il avait peur de mourir. Wenn der Himmel stand dir leider nach hier, I would have stand dir keiner. Merci beaucoup. Voilà. Donc on va peut-être tout doucement toucher, l'émission doit toucher à sa fin. Ouais. J'y vais quand même faire un petit agenda. Et puis à la fin, tu nous chanteras encore un petit dernier morceau, si tu veux. Si vous voulez. Donc je vais faire... De toute façon, il n'y a pas grand-chose dans l'agenda actuellement. Donc il y a demain, à partir de 11h, il y a la commémoration du 71e anniversaire de la tragédie de Hiroshima et de Nagasaki. Alors ça se passe au parc Ibakusha à l'université de Mons, plaine de Nimi à Mons. Alors le thème, c'est le désarmement nucléaire, ce n'est pas pour demain. Donc samedi 6 août, au parc, donc, à 11h, il y aura l'accueil des participants. 11h15, une allocution des différentes associations. Et à 11h45, un dépôt de fleurs. Il y aura une minute de silence à la mémoire des victimes de nucléaire. Puis, à 13h30, il y aura une conférence débat avec la participation de Luc Mampae, du GRIP, qui parlera de l'impact des forces armées sur le changement climatique en temps de paix comme en temps de guerre. Nicolas Bardos Feltoroni, qui parlera du sommet OTAN 2016 et de sa stratégie nucléaire, et des associations de paix telles que le CNAPD, présenteront l'agenda des luttes, des prochaines luttes contre l'armement nucléaire en Belgique, bombe atomique de Klein et Brogel, campagne contre le renouvellement des avions de chasse. Voilà. Et puis, il y aura une présentation avec Robert Fourneau du CEH, un modérateur, Claudine Paulet, comité de surveillance OTAN. Donc voilà, il y a plusieurs associations qui sont présentes exactement, également, hein, dont notamment Agir pour la paix. Donc si vous voulez avoir des renseignements pour cette journée, c'est le 02 376 10 93. 02 376 10 93. Alors ça, c'est pour demain, à partir de 11h. Et dimanche, à partir de 11h également, il y a un festival, ce qui s'appelle Wasteland, Festival de la Friche. Ce festival a commencé depuis le mois de juin. Oui, c'est ça, le 5 juin. Et demain, donc il faut regarder sur le site du festival, c'est Comon Josapha. Donc c'est un festival pour rencontrer les biens communs urbains, notamment la Friche Josapha et nous. Alors ça se passe, donc le lieu c'est Comon Josapha, adresse avenue Gustave Latinis 152030 à Scarbeck. Donc si vous regardez sur le site de commonjosapha.wordpress.com, là vous aurez tous les renseignements pour ces journées du festival de la Friche. Alors, il y a également une autre chose qui a lieu dimanche également. Attendez, je vais récupérer mon agenda. Mon agenda, ça va venir, mais c'est un peu long. C'est dommage, avec l'Internet, c'est toujours un peu long. Ça va venir. J'ai oublié, parce que je l'ai lu il y a 2 minutes, mais j'ai oublié. Ça ne vient pas venir aujourd'hui. Voilà, on va repasser par là. C'est en direct, hein. Oui, oui, c'est pas grave, c'est en direct. Mais il ne veut pas venir comme je veux. Ils sont en train de travailler sur Indymedia, je pense. Voilà, moi je l'avais tout à l'heure et puis je ne l'ai plus. Bon, bah, écoutez, on vous en reparlera un peu plus tard, parce que là, ça n'a pas l'air de venir beaucoup. C'est un truc qui a lieu demain, dimanche. Moi, je ne vois. Moi, je ne vois plus rien pour dimanche. Hein. Si, si, il y a quelque chose dimanche. Mais, si tu le dis. Mais ça ne veut pas venir, mon histoire. Bon, mais ce n'est pas grave. Donc, je vous en reparlerai tout à l'heure. Parce que là, je n'arrive pas à retrouver ma page. Donc, ce n'est pas grave. Donc, on va peut-être demander à Agathe de nous refaire encore un petit morceau. De nous faire le dernier morceau. Alors, et avant que je fasse le dernier morceau, les présentateurs de cette émission m'ont glissé comme idée de faire, de vous dire, au cas où, pour, si vous êtes intéressé pour des concerts, pour que je joue dans des endroits, n'hésitez pas à contacter soit la radio, et puis me contacter via la radio, soit me contacter par email à gizardagathe, G-I-Z-A-R-D, agathe, A-G-A-T-H-E, @hotmail.com. Voilà, G-I-Z-A-R-D-A-G-A-T-H-E, @hotmail.com. Puis vous pouvez regarder des vidéos, il y en a sur YouTube, à Agathe Bissap, La Menace. Il y en a aussi sur, il y a un disque en cours sur SoundCloud, pour que je recherche des productions. Et puis sur MySpace. Mais sur MySpace, c'est un peu plus ancien, mais quand même, je mixe maintenant avec toutes ces chansons, je les mets un peu toutes ensemble. Et puis, il m'avait glissé une autre idée, mais j'ai oublié. Bon, voilà, pour des spectacles aussi, de la poésie, voilà, n'hésitez pas. Je suis contente de partager mon travail et de le partager avec d'autres, évidemment. Et voilà. Et maintenant, je vais donc vous chanter. J'étais là parce que... Alors, juste avant que tu commences ta chanson, j'ai retrouvé mon truc. Donc, c'est le TTIP Game Over qui débarque au Festival Esperanza. Et donc, ils font un flash mob géant ce dimanche à 17h15. Alors, le collectif donc, TTP Game Over organisera donc, ce dimanche un peu partout sur le site du festival, en collaboration avec les organisateurs, un flash mob géant avec des milliers de festivaliers pour dénoncer les accords de libre-échange comme ceux du TTIP et du CETA. Cette action s'inscrit dans la suite des actions de désobéissance civile qui ont été menées en juillet à Bruxelles et qui ont perturbé le dernier round de la négociation sur le TTIP. Par cette action, les activistes et le festival souhaitent continuer à mettre en lumière à quel point les accords de libre-échange tels que le CETA et le TTIP sont nuisibles à l'environnement et à la société tout entière. Et cette année, le Festival Esperanza sera d'ailleurs une zone entière hors TTIP dans le cadre de sa campagne d'engagement 2016 « Chassons les vrais monstres ». Ce flash mob se veut également être une répétition et un tour de chauffe pour la manifestation nationale qui est prévue le 20 septembre à Bruxelles dans le quartier européen. Il est organisé par la plateforme stopitceta.be, d'une ampleur inégalée en termes de diversité d'organisation de la société civile. Et le collectif TTIP Game Over est soutenu par un nombre croissant d'organisateurs divers, d'organisations diverses, notamment des syndicats, des ONG, des groupes d'agriculteurs et des collectifs divers d'activistes au niveau belge et européen. Donc la mobilisation battra son plein durant tout le week-end. Débat au village des possibles, chasse aux lobbyistes, discussion à la radio, t-shirts sérigraphiés, sensibilisation des artistes à cette lutte. Mieux vaut se réveiller tard que dormir jamais. Voilà, alors il y a un contact presse, c'est Camille au 0477 54 69 86. Vous avez un email aussi ttipgameover en un seul mot @rizop.net. Donc vous pouvez regarder, il y a le site ttipgameover@rizop.net et puis le site du festival Esperanza, c'est www.esperanza.be. Voilà, donc ça c'est pour dimanche, si vous avez la possibilité d'aller à ce festival Esperanza, qui est un bon festival. Il y aura plein d'actions justement contre le TTIP. Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé. Voilà, maintenant je te donne la possibilité de faire ta dernière chanson. Ok. Alors, comme je fais beaucoup de chansons aussi en anglais, j'ai favorisé les chansons en français, parce qu'on parle français ici. Bon, je ne parle pas flamand, mais... Voilà. Et alors, je vais peut-être te mélanger un petit peu avec l'anglais. J'espère que ça va aller. Vu que je suis en langage imaginaire aussi, pour ceux qui ne comprennent pas, ça ne posera pas de problème. Le cœur y est. So cold inside. I need to hear to be outside. I'll feel hard. Ladies, where's the house? Ladies, where's the power? Ready for Kel, hold the days, hold the night. Be outside. Douce et légère. Quand je naissais, ma mère poussait un cri d'effroi. J'avais 1000 ans quand j'arrivais. Et toi de me dire, bel cœur, bon cœur, chaque jour de lumière. C'est ton amour qui me rend belle. Sans toi, je ne suis rien. Ni laide, ni belle. Tu es là, si belle, tu es là, et tu ne le sais même pas. Tout ce que tu touches, c'est de l'or. Rien que de t'entendre arriver, rien que de t'entendre marcher, et j'en suis sauvée. Bon anniversaire, mes vœux les plus sincères. Que la vie soit douce et légère. J'avais 1000 ans quand j'arrivais au sacré mort de nous, au sacré vie de nous, au sacré sagesse de nous. Même de marcher, c'est difficile. Même de parler, c'est difficile. Embrassez les seigneurs. Faites-leur connaître l'amour vrai. Let's stand near here, let's stand near here. Merci mille fois. En tout cas, c'était très sympa. Mais c'est intéressant que ce que tu dis. Excuse-moi. C'est intéressant dans la musique que tu fais, qu'est une pour moi, hein, c'est moi qui en parle. il y a beaucoup de l'Allemagne des 1920, tu vois, et de du côté moderne. Et j'aime bien ce côté, tu vois, qu'on ne sait pas la langue que tu chantes, et il y a le côté français. Ça fait penser beaucoup à Kurt Vile ou des gens comme ça, tu vois. Merci. Je ne sais beaucoup. Pas si tu as été influencé. Y a plein de choses, autant la musique traditionnelle du Pays Basque qui m'a influencé, les gens politiques, la poésie. Ouais. Après, j'ai fait le conservatoire, j'ai travaillé la musique classique. Et puis après, donc c'était impressionnant aussi comme découverte, découvrir les œuvres classiques. Moi, j'aime beaucoup Mozart. Puis après, j'ai découvert le punk aussi. Donc, il y a un mix avec tout ça. Puis j'étais baignée aussi avec les chansons réalistes et engagées et tout ça. Donc, voilà, je connais pas si bien Kurt Weill, quoi, mais c'est un mix comme ça, par rapport au contexte social, politique aussi pour moi dans ma vie maintenant, faire quelque chose avec tout ça par rapport à du rapport comme ça avec des gens au pouvoir qui peuvent être complètement démesurés dans une espèce de folie comme ça de rapport à l'humain où il n'y en a plus, quoi. Donc faire quelque chose avec ça, quoi. Enfin, chanter, c'est un peu... C'est chanter, jouer, créer ou danser. Mais c'est les... Voilà, c'est pouvoir être à la fois vivante et puis sur la voie, quoi. Engagée d'une manière... Voilà. Des choses. Mais il y a un petit côté... Moi, je pense, ça n'engage que moi. Il y a un petit côté klezmer, tu vois. Ah bah j'aime beaucoup, mais je sais pas du tout. Enfin, tu vois, j'étais invitée. Une fois, j'avais rencontré les Taref Daïdouk et tout ça. J'avais joué un tout petit peu avec eux. J'ai beaucoup aimé. Bah, j'ai pas du tout leur technique et rien. J'aime beaucoup. Oui, mais il y a un petit peu une note de ça, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, ouais. Voilà. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci, ça nous a fait plaisir. Moi aussi, merci beaucoup. Et on va essayer de voir si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour te produire quelque part. Je sais pas quoi. Et comme tu as donné toutes tes coordonnées. Nous allons les reprendre de toute façon. Et comme ça, on te contactera. Voilà, merci. En tout cas, c'est une belle rencontre. Merci beaucoup. Axel, à toi. Alors, l'émission est finie. Alors, on va aller faire pisser les chiens, parce que c'est l'heure. Et on va aller faire pisser les chiens sur les géos de Brésil, où c'est une catastrophe économique et pour les pauvres et tout. On salue les pauvres, c'est pas de la démagogie. Mais on salue quand même les pauvres parce que vous êtes fait sodomiser par le pouvoir brésilien. Salut. Jean, écoutez ma complainte, écoutez l'histoire de ma vie, de mon enfance et des étreintes qui trop vite ont pris mes nuits, de mes pas qui claquaient le pavé, cette rue. Ce quartier.